Radiomatic. La transmission 295 d'Audiomatic s'ouvrait avec la chanteuse danoise Agnès Obel et sa composition Can't Be, extraite de son quatrième et plus récent album Myopia, lancé en février dernier. Comme c'est le cas en littérature, en cinéma ou en théâtre, une œuvre musicale peut être assujettie à divers processus de transformation afin de l'adapter à une nouvelle vision, à un autre contexte ou à un autre public. L'œuvre originale est donc transformée selon la perspective d'un artiste qui décide d'en remanier les contours, les textures, les mélodies et les chants, tout en gardant des bribes de l'original. En musique, le remix ou la reprise sont souvent des termes qui définissent ce processus. Le cas que les sonoristes vous présentent ici consiste en un extrait de l'album Trinity 30, réalisé par l'artiste Scott Montape, connu pour son projet Deadbeat, et la chanteuse Fatima Camara. L'album en soi est en fait une réinterprétation actuelle de l'œuvre de Trinity Sessions, composée originalement par les Cowboy Junkies en 1988. Écoutons donc comment Deadbeat et Camara ont adapté la pièce Postcard Blues. À Audiomatic, cette séquence se terminait sur la collaboration entre les artistes James Murray et Francis M. Gris, avec la pièce Thomas apparaissant sur l'album Remote Redux. Et avant cela, nous entendions une autre collaboration, soit celle entre le projet Deadbeat et la chanteuse Fatima Camara, qui nous interprétait Postcard Blues, une pièce originellement composée par Cowboy Junkies. Cette réinterprétation apparaît sur l'album Trinity 30, qui reprend l'œuvre intégrale de Trinity Sessions des Cowboy Junkies dans une perspective davantage dub et trip-hop. À Audiomatic, nous enchaînons maintenant avec le projet anglais Second Class Citizen. Stand outside your doorway, there's a light that slowly crawls along the floor. Stand outside your doorway, there's a light that slowly crawls along the floor. We'll be right back. Audiomatique, nous vous avons présenté un des groupes qui ont grandement influencé la musique électronique, c'est-à-dire le groupe japonais Yellow Magic Orchestra, qui a été fondé en 1978 par Haruomi Osono, Yukihiro Takahashi et Ryuichi Sakamoto. De leur quatrième album studio BGM, lancé en 1981, nous entendions la pièce UT. Tout juste avant Yellow Magic Orchestra, il s'agissait du DJ Abe Juke et sa composition Tonight is Your Answer, Vocal Version, qui, vous l'aurez deviné, contient des extraits du discours que Barack Obama a prononcé le 4 novembre 2008 lors d'un rassemblement à Chicago après avoir remporté la présidence des États-Unis. Et pour amorcer cette séquence musicale, le projet de l'anglais Aaron Thomason, Second Class Citizen, nous interprétait la pièce Outside Your Doorway, qui a été remixée par D.D. One. Audiomatique se poursuit sur la musique du groupe Transam. We'll be right back. Audiomatique, cette séquence musicale se terminait avec Solvent et sa pièce Tangerine tirée de son premier album homonyme. Avant Solvent, c'était Humanoid, un projet parallèle des membres de Future Sound of London. De l'album intitulé Built by Humanoid, nous entendions la pièce Ape. Et on amorçait la séquence avec la formation Transam et la pièce Amrain, tirée de l'album Future World, paru en 1999. La fin de la transmission 295 d'Audiomatique sera atteinte après avoir que la pièce Saint-Simon. La fin de la transmission 295 d'Audiomatique sera atteinte après que la pièce Outlaw du duo britannique Mata se soit écoulée. La transmission 296 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain à 17h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Entre-temps, n'hésitez pas à découvrir nos archives par l'entremise de nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici Mata et la pièce Outlaw. C'était Audiomatique avec les sonoristes.